Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Septième épisode. Installé à Londres et ne sachant toujours pas à qui il doit sa bonne fortune, Pip apprend à connaître l'homme qui a été nommé pour être son tuteur, le redoutable avocat Jaggers et son associé l'impitoyable Wemmick. Heureusement, le jeune Herbert Pocket, avec lequel Pip partage son logement, devient vite son ami et confident. Le lundi, muni de mon petit bagage, je pris un fiacre pour Hammersmith, en compagnie d'Herbert. Il y avait peu à marcher pour rejoindre la maison de son père, Matthew Pocket. Après le petit portail, un jardin descendait jusqu'à la rivière. Et voilà, c'est ma famille. Les enfants de Monsieur et Madame Pocket y jouaient, encadrés par deux nounous, pendant que Madame Pocket, dans son fauteuil de jardin, lisait sous l'arbre, les jambes posées sur une chaise. Assez vite, il m'apparut que les enfants Pocket, plutôt qu'élevés, étaient jetés en l'air pêle-mêle. Maman, je vous présente le jeune Pip, Madame Pocket. Bonjour. Monsieur Alric et Mademoiselle Jane. Vous continuez à faire la cabriole dans les buissons, vous allez finir noyé dans la rivière. Et que dira monsieur votre papa alors? Votre mouchoir, madame, c'est la sixième fois que vous le laissez tomber. Ah oui. Merci, Clopson. Je réussis à compter qu'avec le bébé, cela faisait six petits enfants. Dès qu'ils approchaient de leur maman, ils roulaient en cabriole tumultueuse, à son grand étonnement et à leur grand chagrin. La nounou s'approcha de Madame Pocket, le bébé dans les bras, et partit dans une cabriole qu'Herbert et moi réussîmes à stopper juste à temps. Décidément, c'est un jour à cabriole, Flopson. Oh, décidément. Oui. Qu'est-ce que vous avez donc là? Qu'est-ce que j'ai donc où? Ce ne serait pas votre repose-pied? Si vous le gardez caché sous vos jupes, c'est sûr que la cabriole est inévitable. Oh, tenez, prenez le bébé et donnez-moi votre livre. À cheval sur mon bidet, quand il trotte, il fait bébé. Ce fut ma deuxième découverte. L'éducation des enfants Pocket alternait deux activités, sauter et se coucher. Tous les enfants rentraient, Monsieur Matthew Pocket sortit. Je ne fus pas étonné qu'il eût l'air perplexe, ses cheveux gris et bourriffés, comme s'il ne savait pas trop par où commencer pour mettre de l'ordre. Ah, voilà papa. Il est très jeune. Je l'aurais pris pour ton frère. Vous avez le même sourire. Papa, je vous présente Pip. Ah, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Au dîner, je rencontrai les deux autres pensionnaires de Monsieur et Madame Pocket. Startop était un compagnon charmant. Drummle, en revanche, était si maussade que même quand il ouvrait un livre, on aurait dit que l'auteur l'avait personnellement insulté. Asseyez-vous à côté de moi, cher Monsieur Drummle. Certainement, Madame Pocket. Savez-vous que j'ai pu vérifier dans mon livre cet après-midi que vous êtes bien l'avant-dernier héritier du titre de baronnie? Il n'y a aucun doute là-dessus. De fait, c'est bien au 1er janvier 1775 que mon grand-père aurait dû faire son entrée dans le grand livre des titres de la noblesse anglaise. Ah oui. Tenez, madame, donnez-moi votre fourchette et prenez bébé. Non, là, il est à l'envers, il faut le retourner la tête en haut. Oh, mon Dieu, rendez-le-moi. On va jouer avec le casse-noisette. Faites attention à ce qu'il ne se le mette pas dans les yeux, d'accord? Monsieur Drummle, j'ai aussi noté la proximité géographique de deux baronnies inattendues du Suffolk. Peut-être les connaissez-vous? Jane, méchante fille qui t'a autorisée à te lever, retourne vite t'asseoir à ta place. Belinda, vous n'êtes pas raisonnable. Jane est intervenue que pour protéger bébé. Eh bien, moi, je refuse qu'on intervienne entre moi et mon enfant, et je m'étonne, Matthew, que vous m'exposiez ainsi à l'affront d'une telle intervention. Je crois être assez consciente de la position de mon pauvre grand-père. Honnêtement. Ainsi donc, les casse-noisettes peuvent tuer les petits-enfants à cause de la position adoptée par le peuple envers votre pauvre grand-père. Comme je devais suivre quelques cours à Londres, il fut entendu que je garderais une chambre chez Herbert. Monsieur Jaggers, si je pouvais acheter le mobilier qui a été loué pour mon usage, plus une ou deux petites choses, je pourrais m'installer très confortablement à Barnartin. Eh les dents, c'est bien ce que j'avais prévu. Il vous faut combien ? Je ne sais pas. Ouais, pas de manière. Combien ? 50 livres ? Oh non, non, non, c'est trop. 5 livres ? Non, ce n'est pas assez. Pas assez, hein ? De combien ? C'est difficile de fixer une somme précise. Alors essayons. 2 fois 5 vous conviendrait ? 3 fois 5 vous conviendrait ? 4 fois 5 vous conviendrait ? Magnifiquement. D'après vous, ça fait combien 4 fois 5 ? D'après moi ? Oui, combien ? D'après vous, j'imagine que ça fait 20 ? Non, peu importe mon avis, c'est le vôtre qui m'intéresse. 20 livres, bien sûr. Oui, Mick ? Faites signer la demande de fonds de Monsieur Pip et payez-lui 20 livres, hein, je parle au tribunal. Pardonnez-moi de vous interrompre, Monsieur Wemmick, mais je suis un peu déconcerté par les manières de Monsieur Jaggers. Dites-le lui, ça lui fera plaisir, il aime déconcerter les gens. Son cabinet est prospère, j'imagine. Énorme clientèle. Il a beaucoup d'employés ? Ce serait inutile, car il n'y a qu'un Jaggers et personne n'a envie d'un Jaggers de deuxième main. On est 4 en tout. Tenez, signez ici. Un jour où vous n'aurez rien de mieux à faire, vous devriez passer me voir à Walworth. Je pourrais vous offrir le coucher et ce serait un honneur. C'est juste un bout de jardin et un petit cabanon pour l'été, mais je m'y plais bien. Je serais ravi. Merci, c'est donc une affaire unique. Vous avez déjà mangé avec Jaggers ? Pas encore. Quand il vous invitera, regardez bien sa domestique. Je verrai quoi d'extraordinaire ? Une bête sauvage qu'on a dressée. Ça ne fera pas baisser votre opinion sur les pouvoirs de Monsieur Jaggers. Regardez-la bien. Je dois dire que vous avez éveillé ma curiosité. Quelques mois plus tard, j'envoyais un mot à Wemmick pour m'inviter chez lui comme nous en avions convenu. Je le retrouvai à son bureau à 6 heures précises. Il me proposa de faire route à pied. Il n'allait pas tarder à recevoir une invitation de Jaggers. C'est ce qu'il m'a dit en apprenant qu'on dînait ensemble. Sa table n'est pas très variée, mais excellente. Un détail amusant, c'est qu'il ne ferme rien à clé la nuit, ni porte ni fenêtre. Je n'ai jamais cambriolé ? Justement, il clame partout. Je voudrais bien voir l'homme capable de me cambrioler. Mais il n'y en a pas un qui aurait le culot de se risquer. Ils ont tellement peur de lui ? Peur ? Un peu qu'ils ont peur de lui. Prenez sa chaîne de montre. Elle n'est pas en toc. Hein. Elle est en or massif. Elle vaut dans les 100 livres faciles. Monsieur Pip, il y a dans cette ville plus de 700 voleurs qui connaissent très bien cette montre. Il n'y a pas parmi eux un homme, une femme ou un enfant qui ne reconnaîtrait pas instantanément un seul maillon de sa chaîne sans le lâcher immédiatement comme s'il était chauffé à blanc. Nous y voilà. C'est ainsi que nous arrivâmes à Walworth. Je n'avais jamais vu de maison aussi petite que le cottage en bois de Wemmick. Les fenêtres étaient en faux gothique, comme la porte minuscule. On y accédait par une planche jetée au-dessus d'un fossé. Le toit simulait une batterie de canon. J'ai tout fait moi-même. Je passe le pont-levis. Venez, Je le relève derrière moi, et hop, plus de passage possible. Et là, vous voyez mon fortin ? À 9h, chaque soir, heure de Greenwich, je tire le canon. Très astucieux de l'avoir protégé par un parapluie. Merci. Je garde cochons, lapins et volailles cachés à l'arrière. Et j'ai bricolé un châssis pour faire pousser des concombres. Vous verrez la qualité de ma salade au dîner. C'est pour ne pas gâcher l'idée de forteresse. Parce que c'est pour moi un principe. Si on a une idée, on s'y tient et on l'amène au bout. Vous ne pensez pas ? Si, absolument. Imaginez une minute un assaut sur ma place forte. Je peux tenir un sacré bout de temps. Maintenant, venez. Là, c'est un lac artificiel avec son île. Regardez bien. Je retire le bouchon de ce tuyau. Et ça déclenche le petit moulin. Je suis mon propre ingénieur, mon propre charpentier, mon propre plombier, mon propre jardinier et mon homme à tout faire. Je vous félicite. Je vous remercie. Vous n'imaginez pas comme ça me nettoie de la poussière du tribunal et de la prison. Au fait, vous n'avez rien contre les parents âgés ? Bien, allons à l'intérieur. Nous retournâmes au minuscule château fort où se trouvait, assis auprès du feu, un très vieux monsieur dans une veste de flanelle, bien à son aise, très propre, soigné, joyeux et intensément sourd. Eh bien, chers parents âgés, ça va bien ? Bien, John, très bien. Je te présente Monsieur Pip, et c'est dommage que tu n'entendes pas son nom. Hochez la tête, Monsieur Pip, ça lui fait plaisir. Hochez bien la tête, comme on cligne des yeux. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est un bel endroit que la maison de mon fils, avec son jardin d'agrément. Quand mon fils sera parti, il faudrait que l'entretien soit pris en charge par la nation pour que tout le monde puisse en profiter. Fier comme un paon, hein, parent âgé. Regarde comme je hoche la tête. Et encore une fois, tu aimes bien, non ? Monsieur Pip, si ça vous fatigue pas, je sais comme ça peut fatiguer les étrangers, vous lui refaites un hochement ? Il adore ça, vous n'imaginez pas. Bon, on te laisse aller nourrir la ménagerie, d'accord ? Et nous, Monsieur Pip, on va boire notre punch. Vous savez, j'ai mis des années pour atteindre cette perfection. J'espère que Monsieur Jagger s'admire votre réalisation. Jamais vu. Jamais entendu parler. Jamais vu le parent âgé. Jamais entendu parler. Non, le bureau, c'est une chose, la vie privée, une autre. Si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous en fassiez autant. Je ne souhaite pas évoquer le château dans un contexte professionnel. Vous avez ma parole. Ah ! L'heure du tir approche. C'est le plaisir quotidien du parent âgé. On retourne au fortin. Regardez, il a déjà chauffé la tige. Tenez, vous me la donnez ? Voilà. Merci. Écartez-vous maintenant. Où est passé votre père ? Ne craignez rien, monsieur Pip, il a l'habitude. Il est resté bien accroché à ses accoudoirs. Vous verrez par vous-même dès que la fumée se sera dissipée. Il est parti ! Je l'ai entendu ! Retournons à l'intérieur. Le dîner fut excellent. La nuit incertaine, pour cause de proximité avec le cochon et d'humidité générale qui faisait régner une odeur de noix pourries. Mais j'étais très heureux de ma soirée. Le lendemain, Sur le chemin du retour, je vis mon hôte se raidir progressivement, sa bouche à nouveau en boîte aux lettres. À la fin, on eût dit que le château, le pont-levis, le lac, sa fontaine et le parent âgé s'étaient dissipés dans l'espace avec le boulet de canon. Arrivé à l'étude, j'appris que M. Jaggers nous invitait à dîner le lendemain soir. Herbert, Drummel, Startop et moi-même. Le lendemain soir, je donnais rendez-vous à mes camarades au cabinet de M. Jaggers. Suivez-moi. Présentez-moi à vos amis, M. Pip. Comme après chaque rendez-vous, comme à chaque retour du tribunal, Jaggers était en train de se laver les mains à grande eau. Ce soir-là, il devait sortir d'une affaire particulièrement sombre car il avait la tête entière dans sa bassine. Je pense que vous connaissez Herbert Pocket. Quel plaisir de passer cette soirée en votre compagnie. Et voici M. Drummel. Monsieur Jaggers. Et Monsieur Startup. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Monsieur Jaggers. Ravi de faire votre connaissance. Oui, sortons. Ma maison est à deux pas. Et surtout, ne vous laissez arrêter par personne. Hein. Il y a en permanence des solliciteurs qui l'attendent dans la rue. Suivons-le. Il sait ouvrir la route comme Moïse la mer rouge. Alors, nous sommes le peuple égyptien ? Le peuple ? Je n'en suis certes pas. Monsieur Jaggers habitait une belle maison qui aurait eu besoin d'un bon coup de peinture. Le grand vestibule de pierre semblait ne jamais servir. À l'étage, nous pénétrâmes dans une suite de trois pièces aux murs lambrissés dont les guirlandes sculptées m'évoquèrent instantanément le nœud coulant de l'échafaud. Je n'utilise que ces trois pièces. Nous dînerons ici. Asseyez-vous là. Vous regardez ma bibliothèque, Monsieur Pip ? Impressionnante. Droit criminel, biographie criminelle, jurisprudence. Messieurs, vous pouvez prendre place. Merci. Vous voyez ici, ce sont des décisions du Parlement. Rappelez-moi le nom de l'araignée. L'araignée ? Le boutonneux, tout noueux, prétentieux. C'est Bentley Drummel. La mine de ce garçon me plaît. Allons nous asseoir. Je ferai le service, mais n'hésitez pas à vous servir vous-même. Les vins sont sur la desserte. Servez-moi. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah. Oh, tiens, merci. Alors, Monsieur Drummel, comment va la vie chez Monsieur Pocket ? Lentement. Tu parles de tes performances à l'aviron ? Et de ta façon sournoise de te mettre dans notre sillage quand nous remontons le fer. Sachez, Monsieur Jaggers, que je suis capable de disperser ces trois-là comme livrets séparés du bon grain. C'est gaillard, mon pourtant pas l'air de mauviette. Tu remontes tes manches, ce n'est pourtant pas l'heure de la toilette. Nous n'avons qu'à comparer le diamètre de nos biceps respectifs. Monsieur Jaggers agita alors une petite clochette et la domestique dont m'avait parlé Wemmick apparut. Elle avait dans les 40 ans, grande, mince, agile, extrêmement pâle. Elle avait d'immenses yeux éteints et une masse de cheveux lâchés. J'avais vu Macbeth au théâtre récemment et elle m'évoqua aussitôt l'une des sorcières au visage embrasé. En parlant de force, je vais vous montrer ce que c'est qu'un poignet. Non, maître. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un poignet digne de ce nom. Allez, Molly, montre-leur ton poignet. Allez. Maître, s'il vous plaît. Allez, montre-leur. Voilà, c'est bien. L'autre main maintenant, celle que tu gardes dans ton dos. Regardez, messieurs, ces cicatrices et ces méandres profonds et ces tendons saillants. Peu d'hommes ont une poigne comparable à celle de ces deux mains-là. Une poigne remarquable. Oh, c'est bien, Molly. Hein. On t'a assez admiré, tu peux te retirer maintenant. Comme si rien ne s'était passé, Jaggers continua de faire le service. Monsieur Jaggers, que ce soit bien clair, Ces jeunes gens et moi n'avons rien en commun. Moi, par exemple, je ne suis pas du genre à jeter l'argent par les fenêtres. Vous avez mauvaise grâce à tenir de tels propos, alors que je vous ai vu de mes propres yeux emprunter de l'argent à Startup il n'y a pas une semaine. Il sera remboursé. Ne vous faites pas de soucis. Je ne sous-entendais pas le contraire. Simplement, à ce qu'il me semble, cela devrait vous inciter à davantage de réserve nous concernant nous et notre argent. À ce qu'il vous semble ? Seigneur. Je suis bien certain que jamais vous ne nous prêteriez d'argent en cas de nécessité. Vous avez bien raison. Ni à vous, ni à personne. La mesquinerie de votre emprunt en est d'autant plus notoire, à ce qu'il me semble. À ce qu'il vous semble ? Seigneur. Laisse tomber. Savez-vous quelles réflexions nous avons partagées, Herbert et moi-même, en vous voyant emprunter cet argent ? Elle ne m'intéresse nullement. Allez tous les deux au deal. Vous l'entendrez quand même ! À voir votre satisfaction moqueuse à empocher l'argent de Startup, on s'est dit que vous confondiez générosité et faiblesse. La vérité est que Pip et moi étions soulagés de vérifier que tu n'avais pas les poches trouées. Par-dessus la tête de... Alors, monsieur Bordeaux. Ce vin est trop bon pour en asperger un ami. D'ailleurs, il est tard. Bonsoir, mes amis. Je ne vous raccompagne pas et ne me remerciez pas. J'étais ravi. Partez en avant, je vous rejoins. Pardon, monsieur Jaggers ? Oui. Je suis désolé de cette scène désagréable et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Aucune importance. Mais j'aime bien la réunion. Tant mieux, monsieur. Moi, je suis bien content qu'il rentre chez lui dans un mois, car je ne l'aime pas. Évitez-le autant que faire se peut. C'est authentique, ce type-là, alors mieux vaut ne pas trop avoir affaire à lui. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir. C'était Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 7e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Philippe Magnan, Brice Héléré, Philippe Bautier, Théo Chédeville, Maxime Dambrun, Jérémy Lewin, Claude Bernard Perrault, Magali Montoya, Blandine Baudrillard, Mathilde Charbonneau, Valérie Moinet, Éléonore Gérard. Et les voix de Brigitte Lecordier, Gabriel Loubrieux, Jacques Bassin, Morgane Hénaud, Clémence Laboureau, Pauline Choplin, Jade Carillon, Garance Ivancic, Perrine Ivancic, Carole Madalena. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.